C'est pas gentil de ta part, tu signes ou tu sais l'histoire. T'as été là pour la première, mais ne fais pas jusqu'à la fin. Premier, mais ne perds pas jusqu'à la fin.